Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Bonjour Lucille. Bonjour Prudence. J'ai vu qu'aujourd'hui, tu allais nous parler de la procédure de changement de nom de famille. Et oui, le nom de famille a en France connu de nombreuses réformes ces dernières années, notamment avec la loi du 4 mars 2002 qui offre la possibilité aux parents de donner à leur enfant le nom de famille de l'un ou de l'autre des parents, voire d'accoler les deux noms. Le but étant de rétablir une égalité entre patronyme et matronyme. Cette réforme est essentielle. Dans le même temps, on peut observer que l'usage du terme patronyme a été supprimé dans tous les articles du Code civil. Le législateur a remplacé cette expression par nom de famille qui est beaucoup moins connecté. Ça marque la fin de la suprématie du patronyme. Avec toutes ces évolutions, il est important de refaire un point sur la procédure de changement de nom. D'autant plus qu'une loi entrée en vigueur le 1er juillet 2022, dite la loi Vignal, permet à tout Français majeur de choisir de porter le nom de son père, de sa mère, ou des deux, ou de l'un des autres parents, le cas échéant. Ces deux lois auront assoupli la règle de transmission du nom de famille. À la naissance de l'enfant, les parents vont, par une déclaration conjointe, choisir le nom de famille auprès de l'officier d'état civil. Peu importe que la déclaration ait lieu avant ou après la naissance, tant qu'elle est simultanée. Si les parents n'effectuent pas cette déclaration conjointe, on distingue trois cas de figure. Soit l'enfant prend le nom du parent qui a établi la filiation en premier, ou alors l'enfant prend le nom du père si la filiation est établie en même temps, mais sans déclaration conjointe. Et en cas de désaccord entre les parents, l'enfant prend le nom des deux parents accolés selon l'ordre alphabétique des noms de famille. Et est-ce que une fois que la transmission du nom est faite, les parents peuvent encore le modifier ? Oui, les parents peuvent par la suite, en suivant la procédure de déclaration conjointe, demander à ajouter le nom de famille de l'autre parent à leur enfant auprès de l'officier d'état civil, ou ils peuvent aussi demander de substituer le nom de l'un des parents par l'autre. Il faut savoir que pour accoler le nom de famille, le Code civil limite cette faculté à un nom de famille par parent. Et l'enfant lui-même peut-il adresser une demande de changement de nom à l'officier d'état civil ? Oui, c'est possible. La loi de 2022 offre à toute personne majeure la possibilité de changer de nom de famille. Il a la faculté de prendre le nom du parent qui ne lui a pas été transmis ou de remplacer le nom qui a été assigné lors de sa naissance. Soit il la remplace, soit il accole le nom de famille. En résumé, l'adulte peut exercer les mêmes options que celles qui ont appartenu à ses parents à sa naissance. Pour cela, il devra adresser une simple demande à l'officier d'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance. Donc cette procédure simplifiée, elle est accordée une seule fois dans la vie de l'adulte. Il est important de signaler que l'officier d'état civil n'a pas à apprécier la légitimité ni l'opportunité de cette demande. Ce changement volontaire est dispensé de toute justification. Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants de l'intéressé s'ils ont plus de 13 ans et qu'ils ont donné leur consentement. En dehors de ce cas, il reste difficile de changer de nom en France puisqu'il faut justifier d'un intérêt légitime. La preuve n'est parfois pas toujours évidente à apporter. Cette loi apparaît tout de même essentielle. L'INSEE a relevé qu'entre 2022 et 2023, le nombre de demandes de changement de nom a triplé en France. La modification la plus fréquente est la substitution du nom de famille d'origine par celui de l'autre parent, et est faite majoritairement avant les 30 ans de l'adulte. Et qu'en est-il de la transmission du nom dans le cadre du mariage ? Alors c'est une bonne question et on aura de ce fait balayé toutes les procédures concernant le changement de nom de famille. Le mariage ouvre la possibilité d'adopter un nom d'usage. Les options sont les mêmes que pour le nouveau-né. Les époux peuvent choisir de conserver leur propre nom de famille, de le substituer par le nom de leur époux ou d'accoler les deux noms. Cette faculté n'est pour autant pas donnée pour le PACS et le concubinage, c'est uniquement pour le mariage. Voilà un peu tout ce qu'on peut dire sur le changement de nom de famille. On vous souhaite une bonne fin de journée et on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.